under the bridge. Downtown. Du matin dans le Piémont pyrénéen en France, il serait temps de s'entendre. Sur le nombre de jours qui jonche le sol d'octobre, de novembre, décembre, qui jonche le sol. Le glas que je sonne, entends-tu le glas que je sonne, qui jonche le sol, octobre, novembre, décembre. Toujours une sale période pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. L'automne qui juge le sol. Tout le monde, tout le monde perd le soleil. Précieux. Chaleur, soleil, précieux. Je saurais t'attendre. Le glas. Novembre.